10h, vous écoutez la première, le journal France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Il n'y avait pas que des bonbonnes de gaz dans le coffre de la voiture suspecte retrouvée à Paris. Il y avait aussi des bidons de gasoil. C'est une information France Info. La piste terroriste est privilégiée. On fait le point sur l'enquête dans un instant. Il l'a amélioré, peaufiné, répété. François Hollande va prononcer ce matin un discours très important à ses yeux sur la démocratie face au terrorisme. Ses proches aimeraient qu'il en profite pour mettre le cap sur 2017. Les locomotives d'Alstom à Belfort, c'est fini. L'usine historique du constructeur de trains va disparaître. Un mannequin pas comme les autres s'apprête à défiler aujourd'hui à New York. Une jeune femme au visage couvert de brûlures. Cette indienne a été attaquée à l'acide et elle a fait de ce crime courant dans son pays le combat de sa vie. France Info. Une attaque à la voiture piégée a donc peut-être été évitée le week-end dernier à Paris. Le véhicule est égaré en plein centre de la capitale avec à l'intérieur 6 bonbonnes de gaz, dont 5 pleines. Et d'après les informations de France Info, les enquêteurs ont retrouvé également des bidons de gasoil dans le coffre. Sophie Parmentier. Aucun détonateur n'a été retrouvé dans cette Peugeot 607 de couleur sombre qui s'égarait ce week-end, tout feu de détresse allumé à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais les enquêteurs privilégient la piste terroriste. Cette voiture, qui était pleine de bonbonnes de gaz, attendait peut-être le passage d'un artificier. Elle aurait peut-être pu exploser sans dispositif sophistiqué. Selon nos informations, les enquêteurs ont retrouvé dans le coffre plusieurs bidons de gasoil, juste à côté des bouteilles de gaz, des bouteilles que les enquêteurs continue à expertiser. Ce matin, les policiers antiterroristes interrogent 4 personnes en garde à vue, 2 hommes et 2 femmes, 2 couples originaires du Loiret, âgés de 26 à 34 ans. L'un au moins était connu des services de renseignement pour être en lien avec la mouvance islamiste radicale. L'un a été interpellé avant-hier sur une aire d'autoroute dans le Vaucluse. L'autre a été interpellé hier soir dans le Loiret. Salah Abdeslam, convoqué chez le juge d'instruction ce matin. Nouvelle audition pour le principal suspect dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Depuis son transfèrement en France il y a 5 mois, il n'a pas dit un mot au juge. La menace terroriste, justement, François Hollande va en parler ce matin. Terrorisme et démocratie, c'est le thème de son discours de rentrée. Le chef de l'État va prendre la parole à 11h lors d'un colloque à Paris. Mais ses proches souhaitent qu'il parle aussi de la présidentielle, qu'il émette un signal de candidature. Alors Louise Baudet, que va dire le président? Quelles sont vos informations? Eh bien, il va livrer rien de moins que sa conception de la démocratie. Montrer les choix qui s'offrent au pays. Veut-on le vivre ensemble et l'état de droit ou la division et l'état d'exception? Pour François Hollande, la France doit se projeter vers l'avenir et non se replier sur son histoire. Encore moins faire le tri entre les différentes couches de Français qui ont fait la France. La France, une idée bien plus qu'une identité. Formule testée au Vietnam et fil conducteur du discours d'aujourd'hui. Un discours qui va donc planter le décor et fixer le casting de 2017. Discours qui en appellera d'autres, car François Hollande va parler de plus en plus, poser de nouvelles pierres, rassurer ses soutiens, sans pour autant accélérer son calendrier. Problème, sera-t-il entendu, lui que les Français ne veulent plus voir, en tout cas sur l'affiche de la prochaine présidentielle? Les sondages sont chaque jour plus inquiétants, la fébrilité gagne son camp, alors que lui reste-t-il? Son costume de président, c'est la différence entre lui et tous les autres, une protection peut-être, certainement pas une garantie pour l'avenir. Après 3 heures de négociations, les producteurs de viande bovine ont réussi à faire plier Carrefour hier soir sur toutes leurs revendications. Ils ont obtenu gain de cause. Carrefour s'engage à mieux rémunérer les éleveurs en tenant compte des coûts de production, et ça c'est totalement inédit. Le numéro 1 de la grande distribution s'engage aussi à présenter dans les rayons de tous ses supermarchés au moins 50% de cœur de gamme. Ce sont des morceaux de meilleure qualité, ils viennent d'animaux spécifiquement élevés pour leur viande et non pas de vaches à lait en fin de carrière. Les éleveurs bovins attendent maintenant que les autres groupes de la grande distribution fassent de même. Ils leur donnent quelques jours avant de lancer des actions la semaine prochaine. D'ici 2 ans, Alstom ne construira plus de trains à Belfort. Le groupe ferroviaire a annoncé hier la fermeture de son usine de production historique, celle qui a fabriqué sa première locomotive à vapeur en 1880, celle qui a fabriqué aussi la première motrice TGV. La direction explique que les carnets de commandes ne sont plus suffisamment remplis. Hier matin, les salariés avaient pourtant appris que la SNCF allait commander à Alstom de nouvelles rames pour son TGV du futur. La nouvelle a donc été encore plus dure à encaisser. Reportage Hugo Flotatalon. À la sortie de l'usine, les salariés défilent en silence, la tête basse, les yeux rougis. Pour beaucoup, il est même difficile de s'exprimer. On l'a appris à 2h, qu'à 2h30, on était appeler vers le directeur pour qu'il nous annonce cette nouvelle. Dans 2 ans, tout le monde sera dehors. Après 25 ans d'Alstom, le regard dans le vide, Lionel rejoint lentement sa voiture sur le parking de l'entreprise. Bah là, on est dégoûté. Plus de jambes, plus rien, on est plus motivé. Donc eux, ils attendent quand même qu'on bosse. Mais bon, bosser dans une conjoncture comme ça, c'est pas possible. Ce qui fait un peu peur, c'est que les gens qui sont assez faibles, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut qu'ils pensent quand même qu'il y a des gens qui ont des enfants, donc ils partiront pas comme ça non plus. Et quand ce n'est pas l'abattement, c'est comme pour Abdelissam et Adrien, c'est la colère qui prend le dessus. On vit tout en France, hein. Il n'y a plus rien. Hein. On travaille, ça fait 10 années. Moi, je paye 1 000 euros tous les mois à mon crédit. Je travaille tout seul. C'est la fin des haricots. Et tout le monde s'en bat les couilles de notre gueule. On est abandonné. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est M. Macron qui est venu à Belfort qui a dit pendant 10 ans, on risque rien. Quoi. Des mecs comme ça, il ne faut même pas les élire au gouvernement. Les salariés en appellent d'ailleurs au pouvoir public. Côté syndicat, on se dit prêt à mener le combat et on rappelle que les Alstom voteront aussi à la présidentielle l'an prochain. Hugo Flotatalon, France Bleu, Belfort-Montbéliard pour France Info. Les activités de production de Belfort seront transférées d'ici 2 ans donc sur le site de Reichshoffen en Alsace. Il ne restera sur le site historique que le service qui s'occupe de la maintenance, soit entre 50 et 100 personnes. Pour les 400 autres, Alstom assure qu'il n'y aura pas de départ contraint. Un reclassement dans un autre site du groupe leur sera proposé. Le député maire de Belfort, Damien Mello, se dit consterné. Il en appelle au ministre de l'économie. Il demande au gouvernement de faire pression sur la direction pour maintenir l'emploi à Belfort. La banque HSBC compte supprimer 466 postes en France d'ici 2 ans. Le groupe britannique veut faire des économies, notamment dans ses services informatiques. Et la direction assure là aussi qu'il n'y aura pas de départ contraint. Une semaine seulement après la rentrée scolaire, plusieurs syndicats appellent les enseignants à faire grève contre la réforme du collège qui vient d'entrer en vigueur. Ils réclament aussi de meilleures conditions de travail, y compris dans les lycées. 8h presque 7 sur France Info, un mannequin va bousculer le petit monde des podiums. Une jeune indienne participera aujourd'hui à la Fashion Week de New York. Elle a 19 ans, elle s'appelle Reshma Qureshi et elle a été défigurée par une attaque à l'acide dans son pays. Elle compte bien profiter de cette vitrine de la Fashion Week pour médiatiser son combat. À New York, Charlotte Alix. Après Madeleine Stewart l'an dernier, une ado trisomique, cette année c'est donc Reshma Qureshi qui devrait voler la vedette aux professionnels. Au corps parfait, cette jeune indienne opposera les traits déformés de son visage rongé par l'acide, le résultat d'une attaque perpétrée il y a 2 ans, notamment par un de ses beaux-frères. Ces derniers mois, Reshma Qureshi est devenue un des visages de la lutte contre cette pratique barbare, un crime d'honneur en Inde où l'on recense entre 500 et 1 millier de cas de vitriolage chaque année. C'est par le biais de vidéos sur YouTube qu'elle mène ce combat. Passionnée de mode se met en scène dans des tutoriaux où elle explique par exemple comment appliquer du rouge à lèvres, avant de rappeler que dans son pays, il est aussi facile de se procurer un rouge à lèvres que de l'acide. À l'origine de sa venue à New York, comme de celle de Madeleine Stewart l'an dernier, on retrouve FTL Moda, un collectif de jeunes créateurs italiens qui a donc choisi de bouleverser les codes de la beauté. New York, Charlotte Alix, France Info. Sous les hurrahs du public et sous la pluie, la flamme olympique a été rallumée cette nuit dans le stade Maracana de Rio. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques a duré 4 heures et une absence remarquée, celle du patron du CIO, Thomas Bach. Officiellement, il était retenu en Allemagne pour des obsèques. Stan Wawrinka, dernier qualifié pour les demi-finales de l'US Open de tennis. Le Suisse a éliminé ce matin Juan Martín del Potro juste avant. Kei Nishikori a validé son billet en battant lui, Andy Murray en 5-7. À suivre aujourd'hui, les demi-finales en double avec la présence de 2 paires françaises. Chez les femmes, Caroline Garcia et Christina Mladenovic. Chez les hommes, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. La Formule 1 change de propriétaire. La société qui gère le championnat de F1 vient d'être rachetée. Elle était entre les mains d'un groupe d'investisseurs. Elle appartient désormais à un groupe de médias américains, Liberty Media, qui a dépensé quasiment 4 milliards d'euros pour se l'offrir. La F1 change de main, mais pas de pilote. Le grand patron reste Bernie Ecclestone, 85 ans. Il contrôle ce sport depuis 40 ans. Mathilde Munoz qui revient tout à l'heure à 8h30. Sophie Bria, le ciel est chargé à l'ouest et c'est du soleil à l'est aujourd'hui. Oui, le sud-ouest est sous un ciel chargé avec de la bruine et alternance de nuages et d'éclaircies au nord-ouest. Et toute la moitié est du pays, du nord à la Méditerranée, est sous le soleil et un mercure en hausse. Les températures ce matin de 13 à 24 et cet après-midi de 21 à 32. Merci beaucoup et bonne journée avec nous. Bonjour à tous, il est 10h09 sur la première, un coup d'œil sur la météo. Avec un soleil bien présent sur le département et dans certaines régions comme l'ouest, le nord, le mercure grimpe vite, il y a comme un parfum d'été déjà. Et puis cet après-midi, il fera gris sur le relief, des nuages qui vont jusqu'à déborder sur les zones littorales et en particulier en baie de la Possession et sur la route du littoral. Dans la troisième, aujourd'hui, sur l'hippodrome de Chantilly. Pour le prix de l'Île-de-France et pour un montant de 4 850 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Le 2, le 16, l'As, le 14, le 8, le 13, le 12, le 6 et en cas de non partant, le 18. 2, 16, As, 14, 8, 13, 2, 6, non partant, le 18. Et puis hier, dans la première, pour le prix Paris Turf, il fallait trouver le 2, le 17, 12, le 13 et le 8. 2, 17, 12, 13 et le 8. Votre santé est au cœur de l'émission Les Experts. Et ce matin, nous serons en compagnie du docteur Gilles Stasica et du pharmacien Claude Maraudon. Pour toutes les questions, merci de composer le 02 62 99 2000 et vos textos au 06 92 70 2000. L'émission, c'est vous qui la faites. Besoin de conseils peut-être? Est-ce que la grippe sévit toujours en ce moment sur l'île? Souhaitez-vous en savoir plus sur les médicaments génériques? Est-ce que vous avez le droit de refuser justement un médicament générique? On en parlera avec nos spécialistes. Les questions que vous aimeriez surtout poser à nos experts. Est-ce que vous suivez à la lettre les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien? Et puis, autre question, votre carnet de vaccination est-il à jour? Est-ce que vous suivez un traitement jusqu'au bout? 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Tikok Velay, et puis dans 4 minutes, nous irons retrouver Jean-Claude Machy qui se trouve sur Saint-Gilles pour le salon Haute Technologie, s'il vous plaît, c'est le salon One in Tech. Donne mon Béatel, mi ça va, voici la batte Nena. Donne mon Béatel, mi ça va, rôle mon soso, t'es là-bas. Des potes à moi, ça pas bon, à la moins d'un rédillon. Des potes à moi, ça pas bon. À la moins vendredi, donne mon soubit, mi ça va. Soigne mon enfant, t'es là. Donne mon soubit, mi ça va. Rodin bouché, pobana. Faire maloya, mon papa. Maman zélo, qu'est-ce à baba. Faire maloya, mon papa. Maman zélo, qu'est-ce à baba. Donne mon vieux pios, mi ça va. Gratte la te à la tebana. Donne mon vieux pios, mi ça va. Rode mon zoané sans baza. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son fafa les bala. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son fafa les bala. Donne mon gamblon, mi ça va. Rode la soise de l'eau sans dada. Donne mon sombri, mi ça va. Rode un paquet de bois là. Vraiment loya mon papa, et de voilà, vraiment loya mon papa. Et pas à moi ça pas bon, à la moins d'un rédillon, cuisine de bois les gaillards. Avec son fafa les balades, flair maloya mon papa, pour manger le pied à sa baba, des portes à moi dans le fautrin, pour sens mon sommeil pour demain, flair maloya mon papa. Ah, ah. Tikok Belaï sur la première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. très belle journée à l'écoute de la première, il est 10h15. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Jean-Claude Machir dans l'Ouest à Saint-Gilles pour le salon Run In Tech. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Claude, bonjour La Réunion, bonjour à vous qui êtes en route pour venir sur ce salon Run In Tech. Je rappelle que c'est un salon qui est réservé aux professionnels. Ce sont de jeunes concepteurs réunionnais qui y sont pour proposer les nouvelles technologies. Alors je suis sur deux stands, sur celui de Digilink et sur celui de Willow. Bonjour Julien et Julien, parce qu'ils, sans le faire exprès, ils s'appellent tous les deux Julien. Alors un bonjour au commun pour les deux Julien. Bonjour La Réunion. Bonjour La Réunion. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, un salon comme cela, et qu'est-ce que vous proposez au public qui viendra sur ce salon? Alors, Digilink, c'est une petite start-up à destination des restaurants, des bars et des clubs, qui leur propose une solution unique pour gérer toutes leurs communications de manière automatisée sur les réseaux sociaux, sites internet, applications mobiles. Un salon comme le Run In Tech, c'est l'occasion pour nous de rencontrer d'autres acteurs de ces secteurs de l'innovation à La Réunion. Donc c'est une force pour demain déjà, mais également pas mal d'institutionnels et d'acteurs également de ces des métiers que nous on cible, donc qui nous permettent d'espérer de bons retours. Alors nous sommes éditeurs de logiciels depuis 12 ans à La Réunion. Nous éditons des ERP et des CRM. Ça veut dire quoi ERP? Ça veut dire quoi CRM? Effectivement, alors un ERP c'est un logiciel professionnel qui va s'occuper complètement de la gestion de votre entreprise, depuis la prise de commande fournisseur jusqu'à la facturation client, en passant par la compta, les statistiques. Et vous avez en fait un outil personnalisé qui répond à quasiment tous vos besoins. Voilà. Et alors le CRM, c'est la gestion client depuis l'identification du prospect sur toute la vie du client. Voilà. À tous les deux, est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de jeunes dans ce salon, autant de jeunes qui ont des startups? Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que l'écosystème des startups à La Réunion est un des plus vivants de France. D'ailleurs, La Réunion est labellisée French Tech depuis quelques semaines. Et il faut savoir qu'il y a uniquement trois sites qui sont French Tech en dehors de la métropole. Et La Réunion est le seul DOM. Voilà, une raison de plus pour venir sur ce salon, ça dure jusqu'à 18h. Merci Julien et Julien. Voilà, je rappelle donc Digilink et Willow. Excellente journée à vous. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Le docteur Gilles Stasica et le pharmacien Claude Maraudon sont avec nous sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir ce matin et merci d'avoir répondu à notre invitation. Une petite question de Véronique, elle n'est pas la seule à être dans ce cas, Claude Maraudon. Elle a des médicaments, comme on dit ici, en tacon dans son armoire à la pharmacie. Elle souhaite savoir où les déposer. Est-ce qu'elle pourrait donner ces médicaments à une association? Elle précise bien que les dates ne sont pas périmées. Hein. Alors, il existe un système national qui s'appelle Cyclamed, donc qui est Cyclamed, qui existe depuis bientôt une quinzaine d'années et qui permet de sécuriser la récupération des médicaments. Justement, c'est très important de ne pas donner à des associations parce que ensuite il y a des détournements, ensuite on retrouve les médicaments sur Madagascar et ça c'est quand même désolant de voir que il existe non seulement ce système qui est sécurisé pour éviter et protéger l'environnement, éviter la toxicomanie, éviter les détournements de médicaments, éviter aussi les intoxications médicamenteuses à la maison. Souvent, les enfants prennent les médicaments comme des bonbons et il y a des cas où on ne devrait pas avoir ces médicaments chez soi. Donc, tous les pharmacies de Lille sont habilitées à récupérer ces médicaments. Ces médicaments sont détruits en plus par un système qui est totalement gratuit. Au niveau d'un incinérateur agréé en métropole. C'est-à-dire que en fait, le système passe par les grossistes répartiteurs et sécurisé dans des containers qui sont ensuite renvoyés. Et cette destruction permet de faire en plus de l'énergie. C'est-à-dire que l'incinérateur est fourni une énergie l'équivalent d'une ville de 10 000 habitants en termes de chauffage pendant une année. Alors, pour Véronique, comme pour d'autres personnes qui se posent des questions, donc on voit avec le pharmacien, c'est ça? On vous ramène Mmh. Tous les médicaments? Alors, en général, on a des périodes d'ailleurs de collecte, entre guillemets, de médicaments qui sont les débuts de vacances. Alors ça, c'est remarquable. On voit les familles, en général, ramener les sachets de médicaments, qu'ils soient d'ailleurs périmés ou non, qu'ils soient entamés ou non, puisque même s'il y a du carton, même s'il y a les notices, bah, ça permet de fournir justement cette énergie nécessaire. Et surtout, justement, d'éviter, comme je le disais, les détournements de médicaments. 02 62 99 2000, profitez de la présence de nos experts. Il est question de votre santé ce matin sur la première. Et puis des questions par SMS au 06 92 70 2000. Gilles Stasic, votre réaction sur les médicaments que l'on stocke comme ça à la maison? Ah bah, je partage dans un placard. Tout à fait l'avis de Claude. Bien sûr, je rajouterai encore une chose, c'est que quand on garde les médicaments, les patients ont tendance à vouloir les réutiliser et faire de l'automédication. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir le même symptôme et la même maladie que la dernière fois. Et la dernière fois, on leur avait donné tel antibiotique. Et du coup, il reste deux comprimés d'antibiotiques, on va les prendre. Donc, c'est vrai que ça va éviter aussi l'automédication. Je pense que quand on donne un traitement, déjà, il faudrait peut-être voir aussi le nombre de comprimés dans une boîte. Parce que quand on donne pour 10 jours, il faudra en avoir que pour 10 jours et pas en avoir plus. Donc, ça, après, c'est. On va s'attaquer à un gros lobbying pharmaceutique qui va être compliqué. Puisque c'est sûr que c'est plus facile de faire des boîtes à 28 comprimés, sachant qu'il y a 30 jours dans un mois la plupart du temps, et comme ça on fait deux boîtes plutôt qu'une, quoi. Donc là aussi je crois qu'il y a un gros souci à gérer, et puis s'attaquer effectivement à, malheureusement, ce lobbying médicamenteux des laboratoires qui eux font tout pour gagner de l'argent, hein, ce qui est alors, un peu normal. Attention, alors si on a terminé avec le traitement, s'il est sur 4 ou 5 jours, si dans quelques semaines, quelques mois, on retombe malade pour on va prendre la grippe comme exemple. On ne reprend pas les mêmes médicaments. Médicaments. Ah non, surtout pas. Non, ça se peut que ça va être la même chose comme traitement, mais il n'y a que le médecin qui va pouvoir le juger. Donc si effectivement les symptômes se ressemblent, sont la maladie, mais pas forcément la même. Donc il ne faut surtout pas reprendre les médicaments. Donc retourner voir le médecin. Et puis le pharmacien pour amener les médicaments. Donc du coup, il fait une pierre deux coups, il va déposer les médicaments anciens, il va récupérer les nouveaux. Alors, Claude Maraudon. Tout à fait. Alors, c'est très important ce que dit Gilles. Il y a aussi la formation des prescripteurs. C'est vrai que souvent, les prescripteurs n'ont pas la connaissance des quantités qu'il y a dans les boîtes. Et les boîtes sont adaptées à des traitements standards. Et souvent, ce sont des traitements de 7 jours, 14 jours, 10 jours ou un mois. Et que, alors, il y a aussi une petite curiosité, c'est que la sécurité sociale considère que le mois fait 28 jours, ce qui veut dire que quand on prescrit pour 30 jours ou 28 jours, c'est souvent des boîtes de 28 qu'on va donner. Mais il est clair aussi, et c'est très important, de ne pas répondre à une sollicitation, par exemple, de la voisine ou d'une personne qui a déjà eu le médicament pour des symptômes soi-disant identiques. Chaque cas est particulier et on doit en effet réévaluer par la prescription du médecin si c'est nécessaire ou pas de les reprendre. Le pharmacien Claude Maraudon, le docteur Gilles Stasica sont avec nous sur la première. Vos questions, les réactions, également donc par SMS au 06 92 70 2000 et puis au téléphone avec Mathias qui vous accueille au 02 62 99 2000. Cathy est avec nous. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci bonjour, d'être Cathy. Avec bonjour. Nous. Vous êtes de Saint-Paul? Absolument. Comment vous allez ce matin? Eh bien, ma foi, moi, je vais bien. Ben, au revoir. Je suis en bonne santé, alors ça va. Vous êtes en et bonne santé. J'ai une petite pensée à tous ceux qui sont malades, parce que voilà, tant qu'on n'a pas la santé, ben, on peut avoir tout le reste, mais c'est voilà. Alors, Cathy, votre question, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu. Enfin, c'est peu. C'est peut-être pas courant comme question, mais je ne sais pas à quel sein vouer. Ah, bon. Alors, on est bien d'accord. Là. On est bien d'accord, Cathy. Pas de nom de médicament, s'il vous plaît. Non. D'accord, on c'est est bien d'accord. C'est une sorte de cheveux. Donc, vous voyez. De cheveux ou de chevaux? Eh oui, de cheveux. De cheveux. Oui. Alors, en fait, ma fille s'est coupée les cheveux. Oui. Elle les avait longs. Et elle voudrait les donner à une association qui fait des perruques pour les enfants qui ont eu un cancer et qui ont dû subir une chimiothérapie. Et j'ai été sur le site de lutte contre le cancer et il n'y a pas d'informations. On peut donner des sous, on peut donner son temps, mais on peut donner des cheveux. Et je sais que ça existe. Mais où? J'ai pas trouvé d'infos. Claude Maraudon, Gilles Stasic. Alors, j'ai peut-être une piste. C'est vrai qu'il existe, d'ailleurs, ça fait partie des perruques qui sont remboursées dans les traitements de chimiothérapie et que souvent, on peut en effet avoir une réponse par rapport à cette demande de la part des patientes en particulier. Mais il existe, à mon avis, par rapport à ces fournisseurs, une solution. Donc, moi, j'ai une idée, c'est de contacter un de ces fournisseurs, de leur poser la question question où ils se fournissent. Et à ce moment-là, de garder vos coordonnées pour qu'on puisse vous répondre. D'accord. Cathy ? Oui. Oui. Je suis encore là. D'accord. Non, mais ça vous va comme réponse ? Eh bien, ma foi. De toute façon, je n'avais pas de réponse jusqu'à maintenant. Donc, c'est mieux que ça. Toujours une. Alors, oui, Gilles Stassica, vous me passez une petite info. Alors, c'est pour faire un don de cheveux. Il y a des associations. Il y a, oui, Solidaire, c'est ça ? Solidaire. Allez-y, allez, voilà. Sur Internet, vous regardez Solidaire. S-O-L-I-D-H-A-I-R. D'accord ? Ok. Voilà, pour faire un don de cheveux. Merci. L'information en direct. Merci Gilles Stassic. Oui, je vous en prie. Toutes les questions au 02 62 99 2000. On parle de votre santé ce matin. Si vous souhaitez en savoir plus sur les médicaments génériques, c'est le moment aussi. On va en parler avec notre pharmacien. Les questions que vous aimeriez surtout poser aux experts. Si la grippe sévit encore ou pas sur le département, on en parlera avec Gilles Stassic. Et puis, est-ce que vous suivez, alors ça c'est important, si vous suivez les recommandations de votre médecin et de votre pharmacien. 02 62 99 2000. Alors, est-ce qu'on parlait de feu, je vais te dire. C'est rouge, on est à l'antenne. Oui, il n'y a pas de problème. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Nos experts, Gilles Stassica, le docteur, et puis le pharmacien Claude Maraudon. Alors, la grippe sévit toujours en ce moment, Gilles Stassica ? Oui, tout à fait. Il y a toujours des épisodes de grippe, bizarrement, de syndrome grippeux, hein, parce que la vraie grippe, ce n'en est pas. C'est mais le syndrome pseudo-grippeux. Mais le pic a été atteint. Alors, le pic a été atteint, mais il y a quand même une persistance de cas pluricotidiens, au même titre que des syndromes de type diarrhée et vomissement qui persistent et qui remplissent les cabinets. Donc là, les patients viennent toujours pour des petits soucis. Oui, de les patients viennent toujours pour ces nez qui coulent, ces gorges qui font mal, ces petites toux irritatives. je pense que la rentrée scolaire y est pour beaucoup, puisque la vie en collectivité fait que les virus se transmettent plus facilement. Donc l'enfant qui a le nez qui coule et qui tousse et qui va à l'école, très souvent, il va contaminer ses petits camarades et il va contaminer la maîtresse ou le maître. Donc après, c'est fréquent que pendant les vacances, les pathologies épidémiques diminuent. Et par contre, elles resurgissent à l'arrivée de la rentrée scolaire. Claude Maraudon, est-ce que le patient, il vient directement vous voir à la pharmacie sans passer par le médecin pour un petit médicament, façon de parler, pour soigner sa grippe? Très souvent. Très souvent, hein. Ben c'est pour une simple raison, c'est que dans le cabinet médical, souvent, il faut attendre 2 à 3 heures pour voir le médecin, donc c'est très difficile. Et en même temps, les cabinets, comme le disait Gilles, sont pleins en ce moment, donc ce qui fait qu'il y a d'abord un premier avis. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément une pathologie lourde, on vient pas à la pharmacie pour soigner son diabète ou soigner quelque chose de grave. Mais en particulier, pour des petits symptômes, c'est souvent la première approche, le premier conseil. Et nous, on oriente souvent, je vais dire, chez le médecin quand il s'agit d'enfants, de personnes fragiles, de personnes qui sont déjà pathologiques et qui a des effets secondaires qui sont délétères. Donc là, il faut absolument voir le médecin. Absolument. Souvent, on laisse d'ailleurs traîner. Moi, je dis souvent que, en prenant souvent les symptômes à la base, on arrive souvent à enrayer, en particulier lorsqu'il s'agit de symptômes de la toux ou des bronchites. Et alors que si on laisse traîner une semaine, là, c'est sûr qu'il y a une surinfection qui se rajoute ou qu'il y a des symptômes qui sont beaucoup plus graves. Messieurs, si on parlait un instant des médicaments génériques, Gilles Stasica, vous êtes docteur. Mm-hmm. Est-ce que vous en prescrivez donc aux patients? Et puis, alors, ces patients, est-ce qu'ils acceptent ou alors ils vous disent carrément non, je préfère l'original? La première question, effectivement, j'en prescris très souvent de façon plus quotidienne, puisque pour moi l'équivalence de fonctionnement de ce médicament est identique, donc oui, j'en prescris. Maintenant, on a des patients qui sont réticents et il est difficile de faire accepter, parce que la relation médecin-malade, c'est une relation de confiance, il est difficile à faire accepter à un patient de prendre un médicament générique si lui, dans sa tête, déjà il l'avait déjà essayé, il l'a pas aimé, ou il a eu des effets secondaires, ou tout simplement il n'en veut pas. Donc même si on lui explique, de toute façon, si on lui donne le générique, il ne le prendra pas. Donc on va se retrouver avec une deuxième consultation, donc un coût supplémentaire, et ça ne va pas arranger les choses. Donc je pense qu'il faut lui expliquer, si ma foi, il ne veut vraiment pas prendre le générique, bon, on va afficher ce qu'il y a marqué sur les ordonnances non substituables. Ça, le pharmacien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le pharmacien ne peut pas changer le médicament, il est obligé de lui donner la molécule Princeps, normal quoi. L'original, et c'est ça. Ouais. Maintenant, tout ce qui est, il y a plein de médicaments, comme on en parlait en off tout à l'heure avec Claude, ça va être de plus en plus que des génériques, donc il va falloir s'y faire, il va falloir se faire une idée que ça fonctionne, on n'est pas en train de donner... Il va falloir s'y habituer un peu alors. On n'est pas en train de donner des ersatz de médicaments, c'est vraiment des médicaments, donc c'est pas... après, c'est les licences qui sont tombées, raison pour laquelle ça passe dans le domaine génériquable, mais bon, après, le médicament en soi, très souvent identique, peut-être l'excipient change un peu, mais bon, Claude va pouvoir vous en parler un peu plus, puisque c'est un professionnel de la pharmacopée. Donc, je pense qu'il va pouvoir vous dire ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'on a des patients qui sont réticents, mais on essaye quand même de leur donner des génériques. Mais maintenant, effectivement, face à un patient qui ne veut pas, on va pas, je ne suis pas commerçant, je ne vais pas essayer de lui vendre quelque chose non plus. Donc, s'il veut à tout prix son médicament original, je vais lui marquer. Claude Maraudon, beaucoup de personnes se posent encore la question, qu'est-ce que c'est que ce médicament générique? Alors maintenant, le médicament générique, j'allais dire, on n'en parle pratiquement plus parce que c'est rentré vraiment dans les habitudes courantes. On est à 85% de substitution. Ça veut dire que c'est la normalité même. Il y a plus que 15% de personnes qui sont encore attachées aux médicaments Princeps. Il faut savoir que le générique a été mis en place au niveau mondial parce que on ne peut plus admettre que le même médicament, et ça j'en suis convaincu, peut coûter 2 à 3 fois plus cher parce que derrière un médicament nouveau, il y a une grande part de la recherche et développement. Donc ça veut dire que quand le médicament a plus de 20 ans d'existence, donc ce qui veut dire qu'il est sûr, quand il a une existence de 20 ans, on a déjà un recul d'utilisation qui est quand même assez intéressant, et ben les laboratoires peuvent donc fabriquer le médicament sans avoir les frais de recherche et développement, sans avoir les frais aussi de publicité et de promotion du médicament vis-à-vis des prescripteurs, et à ce moment-là, le médicament coûte entre 2 et 3 fois moins cher. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, et c'est très important, en Europe, on est un des derniers pays à mettre en place la politique du générique, et que les Allemands, par exemple, les Suisses, les autres pays d'Europe sont bien en avance vis-à-vis de nous et ont intégré le médicament générique. La deuxième question qu'on me pose, c'est une question de confiance. Où est fabriqué les médicaments génériques? Génériques? Eh bien, ils sont fabriqués au même endroit et au même labo que les médicaments Princeps, c'est-à-dire en Chine, et en Inde, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de fabriquer des médicaments, et les laboratoires français se comptent même plus sur les doigts des mains, sur les doigts d'une main. Ce qui veut dire qu'en clair, la totalité des médicaments sont fabriqués à l'étranger, et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le contrôle de qualité. Et là, on a les mêmes excipients, les mêmes molécules, les mêmes principes actifs. Les mêmes molécules, voilà. Absolument. Ouais. Ce sont les mêmes, des fois les mêmes chaînes de fabrication qui fabriquent. C'est un peu comme les moteurs. Vous savez, chez Renault, Citroën, pour pas les citer, vous avez les mêmes moteurs dans toutes les voitures. Et c'est l'habillage qui va changer. Et ben, c'est pareil pour le médicament générique. Vous prenez la parole sur la première avec nos experts. Nous accueillons, alors nous partons sur trois bassins avec Didi au téléphone. Bonjour Didi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez du beau temps là-haut. C'est pas là-haut, c'est en bas, mais c'est couvert. D'accord. Trois bassins, c'est dans les bains alors. Voilà, trois bassins les bains. Ah, trois bassins les bains. Très bien, très bien. Didi, alors vous souhaitez poser une question à nos experts. Alors surtout, ne citez pas de nom de médicaments, s'il vous plaît, c'est très important. Alors allez-y. Oui, j'aimerais savoir s'il y aurait un cocktail de plantes pour soulager les douleurs. Tout ça parce que Claude Maraudon est là, le pharmacien. Ouais, ça, je pense qu'il a même ramené c'est tout ce qu'il faut pour vous le dire. Alors, vous êtes quoi noter ? Vous êtes quoi noter ? C'est vraiment pas possible. Alors là, vous parlez pour vous, là. C'est ça, Didi. Comment ? Vous parlez pour vous. Les médicaments, c'est pas possible pour vous ? Non, pour elle. En fait, c'est pour ma fille. Ah, c'est pour votre fille. Donc, vous cherchez un cocktail de plantes ? Oui. Pourquoi c'est pas possible pour votre fille ? Anti-douleur, c'est ça. Ouais. Didi, pourquoi ce n'est pas possible pour votre fille, les médicaments ? Mais parce que, non seulement, les médicaments qu'elle a, oui. C'est des... C'est voilà. C'est pourquoi comme maladie ? Un syndrome de l'herse dans l'os. D'accord, donc... c'est un déficit en collagène et... Ouais, donc là, on commence à rentrer dans des maladies presque orphelines, je dirais, où elles sont très rares. Voilà. Et donc, effectivement... Mais c'est pas si orpheline que ça, parce que c'est plutôt mal diagnostiqué. Ouais, en fait, c'est mal diagnostiqué, et puis c'est surtout pas très fréquent. Donc, effectivement, je pense que dans ce type de pathologie, quand on a des pathologies où la recherche n'est pas à son top là-dedans, ou parce qu'il n'y a pas assez de cas, parce que ça n'intéresse pas forcément les laboratoires de faire de la recherche, je pense qu'on peut effectivement s'orienter vers d'autres thérapeutiques. Moi, je suis pas contre les plantes. Je suis contre aucune thérapeutique à partir du moment où elle fonctionne chez le patient. Quand on soigne quelqu'un, ce qu'on veut, c'est que le patient soit guéri, quelle que soit la méthode qu'il utilise. C'est la priorité. Donc, moi, si avec les plantes ça marche, je suis preneur, il n'y a aucun souci. Bien sûr qu'on peut éviter les médicaments. De toute façon, il y a des médicaments, la plupart du temps, quand il y en a plusieurs dans le corps, on ne va pas savoir ce que ça va faire. Donc, ça peut faire des dégâts plus que des choses bénéfiques. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord d'utilisation des plantes, tout en sachant en plus que beaucoup de médicaments, et Claude ne va pas me contredire, beaucoup de médicaments, le principe de base, c'est quand même des plantes. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, on a quand même quelque chose qui part au départ d'une plante. Donc, je suis tout à fait d'accord et je pense que Claude va vous trouver quelque chose pour ça. Alors, Claude va prendre sa... Oui, excusez-moi. Oui, Claude Maraudon va... Avec les médicaments qu'elle prend, qu'elle devrait prendre, non seulement ça ne soulage pas ses douleurs, et c'est vraiment les médicaments top, et ça ne soulage pas ses douleurs. Et donc, il faut que deux jours, elle est shootée. Ouais, donc, donc c'est pas. Et les deux jours après, il faut lutter contre les effets secondaires. Les effets secondaires. Ouais. Très bien. Donc voilà. Claude Maraudon va prendre. Didi. Non, mettez pas à la poubelle les médicaments. Ouais, ramenez au pharmacie. Didi. Oui, voilà, c'est ça. Didi, Didi, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, ça va. Alors, Claude Maraudon va prendre sa casquette de membre président de la Plamédum. Ouais. Claude Maraudon. Oui. Mais aussi de pharmacien, puis de citoyen. Et c'est pour ça que j'ai laissé la parole à Gilles, parce que je vais démystifier un peu les plantes médicinales. C'est vrai que les plantes médicinales, c'est pas la solution miracle. Et c'est moi qui le dit en plus. Hein. C'est-à-dire que les médicaments sont souvent et très souvent faits à partir des plantes. Et on a un grand médicament de la douleur qui s'appelle la morphine. Et ben c'est un dérivé de l'opium. Et on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui En médicament. Ben voilà, ça marche pas. Et ben donc vous allez pas, peut-être être déçu de ce que je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a plus fort que l'opium ? Il y a très peu de médicaments. Et là, on rentre dans des domaines, c'est pour ça que le docteur est important, le médecin, parce que c'est une vision globale de la maladie et du patient qu'il doit diriger la prescription. C'est pas forcément parce qu'on a trouvé une plante miracle ou un médicament miracle, c'est surtout et avant tout la prise en charge par le médecin traitant du patient. Et c'est... De toute façon, excusez-moi, elle est suivie au centre antidouleur. Donc elle est très bien suivie. Voilà le résultat de ce que vous voulez dire. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus promettre des choses miraculeuses ou faire croire aux gens, donner des faux espoirs. Parce que déjà, cette prise en charge, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre fille. Et ça, on a du mal souvent à l'entendre parce qu'on veut que, dans votre cas, je comprends la détresse, on veut trouver la meilleure solution ou trouver en tout cas, et il faut pas tomber dans le panneau. Aujourd'hui, il y a des solutions sur Internet, solutions des fois de personnes qui sont un peu rebouteuses, sorciers, etc. Ouais, ouais. Et nous, on est là aussi pour justement mettre un peu de garde, je veux dire des garde-fous, en leur disant attention, c'est pas forcément, puis c'est souvent des solutions qui existent déjà et qui sont mal évaluées. Vous voyez, par exemple, une plante médicinale qui est un dérivé de la morphine va peut-être être prescrit par quelqu'un et en même temps il y aura quelque chose d'empirique, le dosage sera pas exact, etc. Alors que là vous avez une prise en charge qui est bien faite. Donc c'est pour ça que souvent on va pas perturber un traitement, on va surtout essayer d'évaluer avec le médecin et avec le centre antidouleur s'il y a pas d'autres solutions. Je veux pas donner de solution ici, il existe et on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, ouais. Mais il serait bon de se rapprocher de votre centre antidouleur douleur pour mettre au point des protocoles de prise en charge avec des médicaments nouveaux qui vont peut-être apparaître sur le marché. Quand je dis ça, c'est le terme AMM, autorisation de mise sur le marché, qui me fait dire ça. De nouveaux médicaments de la douleur en 2017 et qui va peut-être soulager votre fille. Et puis, je l'espère, une thérapie qui sera donc cette maladie orpheline, elle est souvent prise en charge au niveau européen, au niveau mondial, et donc la recherche là est très importante justement pour trouver des nouveaux médicaments et pour votre enfant. Didi, il faudra suivre ces conseils, des conseils très importants. Hein. Oui. D'accord. Oui. Oui. Vous êtes encore, vous hésitez encore là, j'ai l'impression. Non, j'hésite pas, mais bon. Oui, mais je comprends, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut vous entourer, parce que c'est souvent des prises en charge, j'allais dire presque familiales, c'est grâce à vous que votre fille est prise en charge. Donc ça veut dire que vous aussi, vous devez être accompagné et être, j'allais dire, avec le médecin, avec le centre antidouleur, dans la prise en charge de votre fille. Voilà Didi. Merci. Bon courage. Merci à vous et merci de votre fidélité à Réunion Première. Les experts, Claude Maraudon, pharmacien, Gilles Stassica, docteur, répondent à toutes vos questions sur la santé, sur les médicaments. 02 62 99 2000. Hein oui. J'ai besoin de faire un mec. Je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. Ce lien, je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin, si je rencontre une âme belle, et toi. Nofi Parallèle, Angoune et Florent Pagny sur la première. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Sommes sur Saint-Pierre dans le Sud avec Joseph au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour docteur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Maraudon. Alors monsieur, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, c'est vrai que le son n'est pas terrible. Je ne sais pas si c'est un problème de téléphone de votre côté. J'ai l'impression que c'est un problème de réseau, ça. C'est un problème de réseau. Alors, ça concerne quoi exactement, Joseph? Alors, donc, ma question, c'est de dire, j'ai 60 ans, j'ai deux hernies discales. Donc, il y a un vertèbre 4 et l'autre 5, un extérieur et un intérieur. Mm-hmm. Ça bloque la gaine de l'énergétique. Mm-hmm. Donc, j'étais voir un neurochirurgien. Oui. Donc, il m'a fait des piqûres dedans. Mm-hmm. Et maintenant, donc, à partir de là, c'est-à-dire, ça fait au moins 4 ans, ça. Hein? Mm-hmm. Et je vais régulièrement voir mon docteur traitant. Il me donne des médicaments, mais le neurochirurgien me dit que lui, il ne peut plus rien faire de ce côté-là. Alors, ma question, et puis, bon, maintenant, ça attaque les deux jambes, c'est-à-dire. Et derrière les genoux, ça fait mal. Ça fait mal. Je ne peux pratiquement plus me déplacer, donc savoir s'il y a moyen de faire opérer ou pas. Bien sûr. Très bonne question. Alors, c'est des douleurs, suite à des irritations d'une fibre nerveuse, donc des branches du sciatique. Alors, il disait qu'il avait des hernies discales, donc c'est une excroissance, en fait, du disque intervertébral qui se trouve entre L4, L5, entre les 4e et 5e vertèbres lombaires dans son cas. Donc, le disque intervertébral, c'est un bout de caoutchouc qui sert d'amortisseur entre les vertèbres, entre des masses osseuses, et qui, de temps en temps, développe une hernie, soit par les anciennes professions qu'avait ce monsieur, soit par les hypersollicitations de par le sport, par exemple, soit sans explication. Et la déhiscence de ce disque intervertébral irrite une fibre nerveuse, notamment une branche du nerf sciatique, qui est responsable de douleurs, comme est victime ce monsieur. Donc il parlait d'injections faites par le neurochirurgien. Oui, effectivement, on peut, outre les médicaments donnés par voie orale, donc qui sont les anti-inflammatoires, les antalgiques, les décontractures musculaires, on peut faire de la kinésithérapie là-dessus, on peut faire de la balnéothérapie là-dessus, on peut faire une rééducation musculaire, ça marche pas mal. Il y a les injections de corticoïdes retard ou les injections d'anti-inflammatoires qui peuvent se faire par le neurochirurgien, voire par le radiologue, par ce qu'on appelle une injection scanoguidée, donc il fait un scanner, il injecte à l'endroit où est irrité le nerf et ça calme la douleur. Ça marche en général 6 mois. Il faut savoir qu'il ne faut pas le faire trop souvent. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a une rigidité des tendons et de tout ce qui se trouve autour et après, ça ne fonctionne plus vraiment. Alors la question de ce monsieur, c'est ce qu'on peut lui proposer. Il a déjà tout essayé, effectivement. Ah, il a tout essayé. Il a tout essayé sur le plan de traitement symptomatique. On traite les symptômes, on n'a pas traité la cause avec tout ça. Là, il faut quand même s'attaquer à la cause. La cause, c'est cette hernie discale. Il va falloir se résoudre probablement à l'enlever. Donc se rediriger vers le neurochirurgien qui, quand il vous dit je ne peux rien faire pour vous, je pense qu'il ne peut rien faire sur le plan d'injection, sur le plan de médicaments, mais il doit pouvoir faire quelque chose pour vous sur le plan d'intervention chirurgicale. Donc il va falloir s'orienter de nouveau vers ce neurochirurgien pour que vous lui dites que les médicaments ça ne fonctionne plus et que vous êtes apte à faire une intervention. Alors il faut savoir une chose qui est importante à La Réunion, c'est le centre de neurochirurgie du Sud, parce que c'est quand même le plus ancien, et celui qui a le plus grand nombre d'études et de cas de traitement d'hernie discale. C'est à référence en France à l'heure actuelle. Donc on est vraiment sur un service de pointe. Qui a de très bons résultats, il y a de très bons neurochirurgiens, donc il ne faut pas hésiter. Encore plus, quand on touche sur les vertèbres L4, L5, il n'y a pas de risque de paralysie, parce que la question souvent, c'est les gens, ah oui, mais est-ce que je ne vais pas être paralysé si on touche les nerfs? Il y a la crainte, c'est ça, oui. La moelle épinière s'arrête depuis longtemps, à L5, il n'y a plus de moelle épinière, il n'y a que des fibres nerveuses, donc on ne risque pas d'être paralysé. Donc il n'y a aucun risque, le seul risque qu'il y a, c'est que cette intervention n'est pas bénéfique, dans le sens où elle ne calme pas totalement les douleurs, et on a encore mal. Mais je pense, quand on a vraiment mal tous les jours avec les médicaments, ne fonctionne pas. Je crois que le risque est bon d'apprendre, de se faire opérer, de dire bon, de toute façon, si ça ne marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, mais au moins, il y a de fortes chances quand même que ça fonctionne. Alors, Joseph, on se tourne un instant vers notre pharmacien Claude Maraudon. Une petite réaction sur. La même sur que celle de Gilles. Hein, ouais. C'est-à-dire que c'est vrai, là, on est vraiment dans une prise en charge globale. C'est-à-dire que les diagnostics étant établis, les traitements sont pas forcément médicamenteux ni pharmaceutique. Il y a aussi le traitement de chirurgical, et puis aussi peut-être la kiné ou des choses comme ça. Il y a multiples symptômes. Hein. Il ne faut pas croire qu'un symptôme de douleur, ça vient de forcément une cause. Il y a donc une véritable investigation globale à faire. Joseph ? Oui. Mais alors... Vous êtes satisfait des réponses ? Oui, donc j'attendais. C'est vrai qu'avant j'étais entrepreneur et j'étais aussi sportif. Ouais. Donc dans les deux causes, donc j'ai pris du des coups dans le sens. Mais ouais. Vous êtes jeune, non, Joseph ? 60 ans. Oui, donc 60 vous êtes jeune. Ans. Vous êtes jeune. Bah, la vie démarre à 60 ans. On va dire qu'elle se poursuit puisqu'elle démarre, mais toujours est-il que l'espérance de vie à l'heure actuelle étant relativement élevée, puisqu'on est à 77, 78 ans pour les hommes et 85, 86 pour les femmes. Donc, 60 ans, il vous reste une bonne vingtaine d'années en étant encore bien. Je vais pas dire qu'il vous reste que 20 ans, mais il vous reste au moins une bonne vingtaine d'années en étant bien. Donc, je pense que souffrir pendant 20 ans, c'est pas concevable. Donc, s'orienter vers son neurochirurgien, ça serait peut-être l'idéal. D'accord, merci. Hein. Je vous en prie, bonne journée, merci, monsieur. Merci à vous, Joseph. Est-ce qu'on suit à la lettre les recommandations du médecin ? On verra tout à l'heure avec Claude Marot, le pharmacien. Est-ce qu'on suit les à la patients lettre. Qui viennent, oui. Bah, c'est une relation de confiance, le médecin. Si vous arrivez si le patient a confiance en son médecin, je pense que ça doit pouvoir se faire. Hein. C'est comme partout, hein. On n'est pas en train de vendre des médicaments, mais on est en train de proposer un traitement. Quand vous allez voir un acheteur pour une voiture, vous ne voulez peut-être pas cette voiture, va tellement bien vous la vendre que vous allez la prendre, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est mise en place. Donc là, c'est pareil, je pense que d'abord, le diagnostic médical et la prise en charge médicale passent par la relation de confiance, parce que c'est une relation humaine entre deux êtres humains, pour lequel un n'y connaît pas grand-chose en médecine et l'autre a appris pour connaître, donc il faut qu'il lui explique déjà, parce que c'est plus la médecine d'il y a 50 ans où le médecin avait... c'était comme le curé, en fait. Et à partir du moment où il disait, c'était comme ça, on ne pouvait pas aller contre lui. Maintenant, avec les moyens de communication qu'il y a, d'information qu'il y a, internet et tout ce qui s'ensuit, on ne peut pas mentir au patient. Il faut lui dire la vérité. Et puis quand on ne sait pas, on a le droit de ne pas savoir aussi. On peut être médecin, mais on n'est pas monsieur encyclopédie de la médecine. Donc quand on ne sait pas, je pense qu'il faut être honnête de le dire. Bah, ça, je ne sais pas, mais je vais me renseigner pour pouvoir vous informer. Et si on a une bonne relation de confiance, je pense que le patient est apte à prendre le médicament. Claude Maraudon. Alors, c'est ses recommandations. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il y a ce double regard qui est très intéressant. C'est-à-dire que souvent, on vient nous dire, mais j'ai pas eu le temps de dire ça au médecin, ou j'ai pas osé le dire. Et là, on est là pour remettre le patient en confiance en lui disant, écoutez, vous devez, c'est bien au médecin d'en parler, même si c'est délicat. Il est soumis, comme nous, au secret professionnel. Ça, les gens ne le savent peut-être pas. Mais, j'allais dire, tout ce qui se dit dans un cabinet médical, ou tout ce qui se dit dans une pharmacie reste strictement à l'intérieur. Et d'ailleurs, le code de la santé est très strict là-dessus, comme toutes les professions médicales et paramédicales. Et donc, il y a ce climat de confiance. Il y a aussi la chance de pouvoir, justement, et on est dans un système libéral, avoir le double regard ou le double conseil. Et puis, on a souvent des patients qui, par exemple, pour une pathologie, va voir un médecin, et pour une autre pathologie qui le souhaite, va voir un autre médecin. Et nous, on fait souvent la relation entre les deux en disant, vous savez, vous devriez en parler parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses ou en tout cas une interaction entre les deux. Et justement, c'est ce travail en équipe qui permet une réussite de la prise en charge du patient. Nous irons retrouver dans 3 minutes Jean-Claude Machir qui se trouve dans l'Ouest à Saint-Gilles pour le salon InTech et puis vos questions notamment sur la santé, votre santé au 02 62 99 2000. Claude Maraudon, le pharmacien, et Gilles Stasica, le docteur, ils sont avec nous sur la première. Les questions aussi par SMS au 70 2000. Soleil cadeau bon Dieu, là pas besoin rôter quand soleil il brille et plus natril quand la pluie est fan et bouche en canne. Et lui dit bonjour, tu montes elle d'entier, dors en pas. Lève les yeux mon noir, ça même nous l'espoir. Quand soleil échauffe, mets ta lit en l'air, échauffe que mon petit zézen de où va faire un prière. Juste après la nuit, mi espère nous va voir le jour. Oui, ma dire à toi, ça y appelle partout. Oh, t'es lumière, l'amour. Oh, t'es il brûle toujours. Puis nous va trouver. Ça fait pour nous enfants, sort dans le feu noir. Demain il sera plus gaillard. Chapeau sur mon tête, puis ça va chanter dans le chemin. Soleil fait la fête, ça mène nous destin. Allons battre carré, souiller ta marraine, à boire café de bon matin, là pas besoin d'aller trop loin. Et sous la varande, on va voir voler la papon. Dans le ciel, un cerf-volant, dans mon cœur, un volcan, ôté. Lumière, l'amour, ôté. Sur la première. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Jean-Claude Machir à Saint-Gilles, oui, pour un très très beau salon, hein, qui se termine quand se termine, aujourd'hui? Oui, il se termine ce soir. Ce soir, oui. Et c'est vrai que c'est un très très beau salon, comme vous l'avez souligné. L'adjectif beau n'est rien, hein, vu la qualité des exposants qui sont là. Ils sont jeunes, je vous le disais, c'est vrai, j'insiste sur ce fait, ils sont jeunes. Et oui, tu as un peu la barbe blanche, Raïm, mais c'est peut-être aussi l'expérience qui fait que la barbe a blanchi, les soucis, les réflexions. Lui, c'est Raïm, jure. Mais vous êtes encore jeune, rassurez-moi. Tout à fait, tout à fait. Parce que jeune, c'est, oui, c'est au-delà de 30, de 60 ans. Tant qu'on n'a pas 60 ans, on est encore jeune. Alors vous, c'est convergence. Qu'est-ce que c'est convergence? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi d'être sur ce salon? Et juste après, nous retrouverons Alexandre Marquez qui nous parlera d'Archidata. Et la même question pour vous, Alexandre. Bonjour à tous les auditeurs de Réunion Première. Donc, je suis Raïm Juhor de la société Convergence. Donc, ce salon, c'est une opportunité pour nous, pour Convergence, d'amener des solutions numériques dans le domaine de l'énergie et du bâtiment. Et vous, Alexandre? Alors, la société Archidata permet aux gestionnaires de patrimoine immobilier d'assurer la transition numérique de leur patrimoine. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois qui vont être mises en place à partir du 1er janvier 2017. Et donc, cette solution permet d'exploiter toutes les données numériques qu'on peut retrouver sur un patrimoine immobilier. Alors, ce type de salon, qu'est-ce que ça vous emmène? De rencontrer d'autres professionnels, d'échanger, de partager? Alors ce salon, c'est une initiative privée, donc toutes les entreprises dans le numérique, donc on permet à toutes les collectivités, tous les bailleurs sociaux et tous les acteurs économiques de La Réunion d'être présents et de voir que La Réunion bouge dans le numérique et de présenter tout ce que l'on peut faire, soit sur des entreprises qui sont là depuis longtemps ou des start-up. Donc c'est vraiment un salon qui bouge. Comment peut-on valoriser encore cette connaissance? Est-ce que ce serait intéressant, quand je vois tous ces jeunes, quand je vois toutes ces personnes, est-ce que ce serait pas intéressant si d'inviter bien Science et Vie, d'inviter des journalistes extérieurs, pour voir que La Réunion, ce n'est pas que les plages, que les cocotiers, ce sont aussi des jeunes qui bougent? Alors, tout à fait. Donc, c'est un petit pas aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est un appel hein, que je peux lancer aujourd'hui à toute La Réunion, de dire que l'année prochaine, pour le Running Tech 2017, que effectivement, au niveau national ou même au niveau international, régional, que d'autres entreprises viennent voir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'offrir de la Réunion et de donner un modèle d'exportation. En tout cas, merci à vous, Raïm, et merci, Alexandre. Et par leur voix, vous l'avez entendu par la mienne, ce serait bien aussi que vous veniez voir ce qui se passe à la Réunion. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont forts. Et ils ont envie d'aller de l'avant. Les startups, je le rappelle, les petites entreprises qui sont appelées à devenir de grandes entreprises. Et à la Réunion. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Si, merci d'écouter Réunion Première, il est 11h. Le Flash, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Une femme est morte asphyxiée par des fumées dans son logement du quartier de Bérive au Tampon. Son corps a été découvert par les secours ce matin. Précision sur ce drame avec Pierre Komorasamy dans notre prochaine édition. L'Université de la Réunion aura-t-elle enfin un nouveau président ce soir, un mois et demi après le scrutin qui n'avait pas permis de désigner le successeur de Mohamed Rochdi, parti mener une carrière politique dans l'Hexagone. Une nouvelle élection est organisée cet après-midi sur le campus du Moufia. Et il y a quelques instants, deux des trois candidats, Gilles Lajoie et Frédéric Miranville, ont annoncé une candidature commune pour faire barrage à Jean-Claude Chabria. En cas de victoire, Frédéric Miranville prendrait le siège de président de l'université et Gilles Lajoie présiderait un conseil académique. Les deux hommes mènent actuellement une conférence de presse dans un hôtel de Saint-Denis. Précision avec Florent Marot dans le journal de midi. Elle est entrée en vigueur à la rentrée scolaire, mais ils n'en veulent toujours pas. Une trentaine d'enseignants manifestent ce matin devant le rectorat de la Réunion à Saint-Denis pour protester contre la réforme des collèges. Mobilisés à l'appel national de l'intersyndicale SNES, FSU, FO, CGT et Sud, on estime à un peu plus de 5% le taux de grévistes sur l'académie ce jeudi. Vous l'avez peut-être senti tôt ce matin si vous vous trouviez cette nuit dans les cirques de Salazie ou de Mafate. Un petit séisme s'est produit à 4h26 exactement à l'est de Salazie. Une légère secousse perçue également du côté du Guillaume-Saint-Paul. Les instruments de l'observatoire du Piton de la Fournaise ont mesuré le phénomène dont l'intensité est estimée à peine 1,5 sur l'échelle de Richter. Rien d'anormal ni d'alarmant, indique l'observatoire. Explication de sa nouvelle directrice Annie Pelletier à midi. Les chiffres du tourisme se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Après l'annonce d'une baisse de 4% du nombre de touristes sur notre île au premier semestre 2016, annonce de l'IRT il y a quelques jours, ceux de la fréquentation des hôtels viennent de tomber et ils sont plutôt bons. Nous l'entendrons tout à l'heure. C'est dans l'actu ce jeudi à midi et quart, juste après le journal de midi, s'intéresse à l'égalité réelle, réalité ou utopie. C'est demain que prend fin la consultation citoyenne sur Internet autour de cette notion. Le débat s'annonce animé. Wilfried Bertil du Parti Socialiste et Jean-Jacques Morel seront des Républicains, seront les invités de Philippe Dornier. Vos questions et vos réactions par téléphone au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000 et également sur les réseaux sociaux. Il est 11h03 sur Réunion Première. On fait tout de suite un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Les syndicats le reconnaissent, c'est un peu un pari aujourd'hui. Une nouvelle grève contre la réforme du collège, une semaine seulement après la rentrée. Les problèmes d'organisation sont aussi pointés du doigt, explique sur France Info la secrétaire générale du SNES à Paris. La manifestation partira à 14h de la place de la Sorbonne. Quatre personnes sont désormais en garde à vue dans l'enquête antiterroriste sur cette voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée le week-end dernier à Paris. Un deuxième couple, lui aussi originaire du Loiret, a été arrêté hier soir. Et autre information, France Info, le véhicule stationné près de Notre-Dame contenait en plus des bidons de gasoil. Le groupe Carrefour et les éleveurs bovins ont trouvé un accord hier soir après une journée d'action dans les enseignes du géant de la grande distribution. Les producteurs obtiennent des garanties sur leur rémunération ainsi que sur le prix de la viande. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve félicite dans un communiqué les quelques 700 pompiers mobilisés hier sur des incendies. Ils sont tous désormais contenus, que ce soit dans l'Aude, dans les Landes, en Dordogne, dans le département de la Vienne. Le plus important s'est produit dans l'Hérault, 100 hectares de végétation détruits près de Béziers à Sébazan. Après les Jeux Olympiques, place aux Jeux Paralympiques de Rio au Brésil. Ambiance festive la nuit dernière dans le mythique stade Maracana. Mais entre deux airs de samba, pas mal de slogans contre le nouveau président Michel Temer, présent hier soir. Ce n'était pas le cas en revanche de celui du Comité Olympique International, Thomas Barr. « La météo de ce jeudi 8 septembre. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Un soleil qui est bien présent sur le département et dans certaines régions comme l'ouest et le nord, avec un mercure qui grimpe très très vite. Cet après-midi, il fera gris sur le relief. Les nuages qui vont jusqu'à déborder sur les zones littorales et en particulier en baie de la Possession et sur la route du littoral. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Votre santé au cœur de l'émission Les Experts. Jusqu'à 11h30, on en parle avec le docteur Gilles Stasica et le pharmacien Claude Maraudon. Les réactions, les questions 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. 10h midi, Les Experts avec Claude Montané. Et puis on ira tout à l'heure retrouver au téléphone de Courchet pour parler de vertiges et de vomissements. 02 62 99 2000 pour toutes les questions. Torno da te nonostante il mio orgoglio. Io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'altra latitudine e frequentando i posti. Silenzio che in me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione. Se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se mai qualcosa. Sénis sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Claude Maraudon, pharmacien, et Gilles Stassica, docteur. Ils sont nos experts ce matin. On parle de votre santé et nous avons Khourshid au téléphone. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Oui. Je veux poser une question au docteur Gilles Stassica parce que je ne peux pas me déplacer ce matin. Il n'y a pas de problème, je vous écoute. Et en fin de compte, je suis prise de vertige depuis ce matin avec des vomissements. D'accord. Et j'ai du mal à me déplacer. Oui. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que ça peut être comme symptôme. Alors, je sais qu'il y a 3 ans, j'ai eu un problème de l'oreille interne. Oui, mais alors, on l'a dit au là, c'est au réveil, c'est ça? Oui, là, depuis ce matin, quand je me suis réveillée, vomissements et j'ai la tête et des vertiges. Et des vertiges, et j'ai du mal à me déplacer. Alors, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, le vertige, c'est cette sensation d'être différemment dans l'espace. Oui, voilà. Donc, c'est une anomalie de l'oreille interne, ce qu'ils appellent l'organe de Corti, qui, lui, est l'équivalent de niveau du bricoleur. Hein. Le bricoleur, le maçon, il a un niveau pour voir si ses briques sont bien droites. Ben, on a la même chose au niveau du cerveau, au niveau de l'oreille interne, qui donne une information au cerveau sur votre position dans l'espace. Cette information peut être faussée par une autre information qui est celle des yeux. Quand on, quand on est debout et qu'on a les yeux ouverts, le cerveau a comme information que vous êtes debout. Si l'organe de Corti lui donne l'information que vous êtes couché, ben le cerveau est en train de mélanger, c'est plus trop si vous êtes debout ou couché. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un mix de ça et il vous donne cette impression de vertige. Donc raison pour laquelle vous sentez pas bien, vous savez pas si tout tourne, tout se déplace, donc c'est très souvent des vertiges rotatoires. Voilà. Alors le fait de fermer les yeux très souvent, ça fait disparaître ce symptôme. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'information visuelle, le cerveau n'a plus cette information visuelle. Alors qu'il y ait des vomissements avec, c'est tout à fait normal, puisqu'il y a une stimulation d'un nerf qui irrigue l'estomac et qui donne cette envie de vomir. Donc ça va avec, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un vrai vertige qui la plupart du temps est ce qu'on appelle un vertige paroxystique bénin, vertige rotatoire, qui arrive quand on a une anomalie de ce liquide, soit une fatigue, soit un positionnement brutal, on s'est levé brutalement du lit, soit qu'on a par contre d'autres maladies. Vous avez quel âge, madame, sans indiscrétion? J'ai 46 ans, en fin de compte j'ai l'hypothyroïde. D'accord, vous avez un problème de thyroïde, c'est ça? Oui. Donc quand on a une maladie métabolique, on peut déclencher des vertiges de ce type, hein, mais la maladie métabolique, je pense au diabète, je pense à, effectivement au problème thyroïdien. Donc maintenant, c'est peut-être tout simplement positionnel. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a des médicaments qui existent pour pouvoir traiter ces vertiges, dont on ne va pas donner les noms, mais qui peuvent fonctionner, qui peuvent s'administrer soit par voie orale, soit par voie injectable. On peut tout simplement prendre un antiémétique, donc un médicament pour le vomissement qui peut de temps en temps faire partir en même temps le vertige. D'accord. Donc sans forcément vous expliquer comment, mais ça peut fonctionner. Maintenant, si c'est un vertige paroxystique bénin, ça arrive brutalement, ça part brutalement. Donc restez chez vous tranquille. Ça arrive brutalement. Ouais. Alors si cependant ça persiste, il faudra quand même consulter et puis vous faire amener vers votre médecin le plus proche. Vous habitez où, madame? À Belle-Pierre. Bon, il y a un centre hospitalier pas très loin de chez vous, il y a plein de médecins pas très loin de chez vous. Bon, là, pour l'instant... Non, mais je comprends. Reposez-vous, vous risquez pas grand-chose. Si vous avez un antiémétique, parce que vous avez gardé malheureusement des médicaments chez vous à la maison, là, c'est une prescription que je vous fais par voie orale, on va dire, sans vous voir. Prenez un équivalent d'un médicament que vous a donné pour un vomissement. Ça peut déjà calmer ce symptôme un petit peu embêtant. Oui, alors attendez, Khourshid, s'il vous plaît. Oui. Claude Maraudon vous répond. Et pour compléter ce que dit le docteur Gilles Stassica, il existe, les Canadiens ont beaucoup étudié les propriétés du gingembre. Alors, on en parlait ce matin avec Jackie Rebelle. Tout à fait. Absolument, c'était là. Et donc, vous prenez une petite lamelle de gingembre. Si vous aimez le goût, vous les mettez sous la langue. Et, et comme le disait docteur Stassica, vous fermez les yeux parce qu'il y a aussi la conjonction des deux. Mais en même temps, si ça passe et que ça permet d'éviter de prendre des médicaments, parce que le problème des médicaments antiviriques, c'est qu'ils ont des effets secondaires souvent délétères, mais ils sont efficaces. Bon, mais en tout cas, essayez quand même. Le gingembre aussi a aussi des effets secondaires. Attention quand même. Si je peux me permettre, les plantes ont aussi des effets secondaires, donc méfiez-vous du gingembre en trop grande quantité. Hein. Ça va vous faire penser à autre chose et vous allez oublier les vertiges du coup. Mais alors, juste pour terminer. Et là, c'est votre mari qui va nous appeler après. Est-ce qu'elle doit rester allongée? Elle ne doit pas être seule, peut-être, non? Oui, il n'y a pas de risque. Non, elle peut rester allongée seule, il n'y a pas de souci. Non, elle mais je veux dire, il faudrait qu'elle soit accompagnée ou pas. Gilles. Lui donner le gingembre? Non, elle peut rester seule, il n'y a pas de problème. Voilà. Pas ça, Claude, elle a dit. Merci, Khourshid. Merci beaucoup. Pas de conduite automobile. Pas de conduite automobile. Et pas de manipulation d'objets dangereux, comme des couteaux, des choses comme tout ça. Tout à fait. Voilà, donc pas de voiture, pas de vélo, pas de trottinette, pas de moto. Et je fais du sport tous les jours. Ah, bah là, aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir. Buvez de l'eau, alimentez-vous quand même. Oui. Merci. Bonne journée. Sur Réunion Première, nous irons au standard. Merci à vous. Nous irons au standard retrouver Richard au téléphone. 10h midi, les experts avec Claude Montané. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni du lundi au jeudi dès 12h15 sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Richard est avec nous, Richard de Saint-Paul. Bonjour Richard. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour monsieur. À tous. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à monsieur Claude Maraudon. Mm-hmm. Oui. Oui, je voulais savoir comment faire pour s'inscrire à la Plamédon, le tisaneur de La Réunion, quoi. Oula, ça c'est une bonne question. Bon, on est pas là pour faire la publicité de la Plamédon, mais c'est vrai qu'il y a un site internet qui a besoin d'être manié, je reconnais en ce moment, mais qui est en cours de remaniement, qui s'appelle aplamedum.org, et vous avez la possibilité de poser vos questions, de demander des précisions, et puis de vous inscrire. Vous vous intéressez aux plantes médicinales? Oui, je suis un passionné, j'habite dans les Hauts-de-l'Ouest. Oui, je crois reconnaître la voix. Ouais, oui, oui. Bon, bah, très bien. Vous allez bien? Ouais. Très bien, merci. Très bien, merci. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Enfin, la dernière fois, la situation ne me permettait pas de vous demander ça. Très bien, ben, c'est tant mieux. Et puis en même temps, il faut positiver. Et il y a plein de beaux projets là qui sont en cours de remise en route, justement sur la recherche des plantes. On a inscrit 3 plantes de plus à la pharmacopée cette année. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis il y a 4-5 plantes en cours très très intéressantes pour l'année 2017. Voilà. D'accord. Voilà Richard. Merci beaucoup. Donc aplamedum.org. Hein? Oui, absolument. Aplamedum.org. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci, voilà. Merci Richard. Je vais juste dire bonjour à Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Oui, vous êtes de Sainte-Rose, hein? Oui. Voilà, alors vous restez bien avec nous, s'il vous plaît. On vous retrouve juste après Corneille sur la première, Gilles Sassica, docteur, et Claude Maraud, dont pharmacien, sont nos experts sur la première. Claude Maraudon, pharmacien, Gilles Stassica, docteur, ils sont nos experts. Ce matin, il est question de votre santé. Les questions, les réactions, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Avant de retrouver Géraldine de Saint-Paul, nous avons donc Marie de Sainte-Rose. Bonjour Marie, rebonjour. Rebonjour. Alors, votre question s'il vous plaît. Je voulais savoir, médecin, bonjour tout le monde. Bonjour madame. Je voulais savoir, j'ai les pieds qui brûlent, le dessous, des fois le dessus, et seulement au repos le soir. Je voulais savoir, cela dû à quoi, s'il vous plaît. D'accord, vous avez quel âge madame? J'ai 54 ans. D'accord, pas de maladie particulière, diabète notamment. Diabète. Ouais, bon, alors c'est peut-être en rapport avec votre diabète, hein, le diabète maladie métabolique qui, quand il n'a pas été traité pendant longtemps, quand il n'a pas bien été équilibré, et malheureusement même quand il est bien équilibré, au bout d'un certain nombre d'années, il peut avoir des troubles de la sensibilité des pieds. Donc ça peut être en rapport avec, je dis bien ça peut, hein, c'est pas une certitude, ça peut être en rapport avec votre diabète. Donc si votre diabète est correctement équilibré, c'est insuline ou comprimé? Non, comprimé, là, 8 ans, et il veut dire que, bien équilibré pour l'instant, bon. Vous n'avez pas bien équilibré? Non, c'est bien équilibré. Hein, mais depuis combien de temps? Les pieds qui brûlent là? Non, le diabète l'est équilibré depuis combien de temps? À 8 ans, comme elle en a. D'accord. Et les pieds qui brûlent, c'est depuis quand? Normalement, chaque fois qu'il fait un bilan de santé, c'est bon le diabète. D'accord. Bon, après, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Je parle de diabète, mais je ne sais pas forcément ça. Ça peut être tout simplement en rapport à des choses toutes bêtes, en rapport avec vos chaussures que vous avez peut-être changées, en rapport à la façon dont vous marchez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est présent sur votre voûte plantaire? Est-ce qu'on voit des rougeurs? Est-ce qu'on voit... Non. C'est jusque le soir au repos. D'accord. Et après, comme il marche dessus, c'est bon. D'accord. Alors, ça peut être, on en parlait en off tout à l'heure avec mon ami Claude Maraudon, ça peut être en rapport avec ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est tout à fait possible qu'on ait ce type de symptômes, en l'occurrence des douleurs qui arrivent quand les membres sont au repos, dû peut-être à un trouble de micro-circulation, donc la circulation sanguine qui ne se fait peut-être pas bien quand vous ne marchez pas et qui explique que ça fasse mal. Si c'est ça, c'est. Mais ça peut être tellement de choses qu'on peut se orienter vers tout, vers un trouble de type podologie, vers un trouble de tout métabolique, vers une douleur banale, vers une pathologie de type articulaire. C'est vraiment un tout dans votre symptôme. Alors autant il paraît simple pour vous, autant pour nous il est compliqué puisqu'il peut nous faire penser à plein de choses. Donc la consultation vers votre médecin semble judicieuse puisqu'il va pouvoir s'orienter et faire en une fois ou deux fois l'ensemble des examens possibles qui vont permettre d'éliminer certaines pathologies et vous dire par déduction, non c'est pas votre diabète parce que c'est bien, c'est pas ça parce que c'est bon. Ça peut être tout simplement quelque chose de banal en rapport avec votre microcirculation, on va voir ce que ça donne avec un médicament qui va favoriser votre circulation et tout rentrera dans l'ordre. Donc je pense que là, il faut quand même insister auprès de votre médecin s'il n'a pas compris l'importance de cette gêne douloureuse que vous avez, parce que vous, ça vous pénalise dans la vie de tous les jours. Lui, peut-être que si vous lui avez juste dit « j'ai mal un peu de temps en temps au pied », il a pris ça peut-être un peu à la rigolade, entre guillemets, dans le sens où il n'a pas trouvé ça très important pour vous. Mais si là, ça vous gêne au point de vous rappeler pour me dire « j'ai mal, je ne sais pas quoi faire », je pense qu'il faut vraiment reconsulter votre médecin et lui expliquer que c'est gênant pour vous, pour qu'il trouve une solution. Ah, d'accord. N'hésitez pas en tous les cas. Il est là pour ça, votre médecin, pour vous écouter, pas simplement pour vous donner des médicaments. Parlez-en à votre pharmacien, sinon il pourra vous orienter également. Ah, oui, d'accord. Oui, et encore une question, pas. S'il vous plaît, vite pour moi demander l'arthrose. Oui. Est-ce que l'arthrose, ça se traite? L'arthrose, ça se traite, on traite des douleurs. L'arthrose, c'est une usure des pathologies, des articulations. Donc, avec l'âge, avec l'hypersollicitation, on a de l'arthrose, donc les cartilages qui commencent à s'user, à frotter, les os qui frottent, qui sont responsables de douleurs. Donc, ça se traite. Une fois qu'on a de l'arthrose, on l'a à vie. Donc, ça veut dire que, on n'a pas de l'arthrose à 20 ans, mais on a l'arthrose à l'âge que vous pouvez avoir. Donc, on traite les douleurs, c'est-à-dire que, on fait du sport. Au contraire, il faut faire du sport, il faut se promener, il faut marcher. Oui, mais on fait un peu de marche. Voilà. C'est bien. 3 fois par semaine. C'est très bien. Mais normalement, des fois, et ça marche pas tout. Alors encore une fois, l'organisme, c'est de la mécanique, donc de temps en temps, ça marche pas. De temps en temps, ça fonctionne pas comme on veut. De temps en temps, on se lève le matin, on est fatigué. De temps en temps, on est en pleine forme. Il y a pas forcément d'explication, donc il faut savoir que si de temps en temps, ça fait un peu mal, votre corps, il a l'âge que vous avez. En l'occurrence, il a le droit de pas être comme quand vous aviez 20 ans. Donc, savoir accepter le fonctionnement de votre corps pour pouvoir dire, c'est normal, j'ai 50 ans ou j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, c'est un petit peu normal que je suis un peu rouillé entre guillemets ce matin et accepter. Faut y penser, oui. Faut y penser aussi. Faut penser toujours, comme ça c'est mieux. Ouais, d'accord. Merci, bon Marie. Courage, madame. Au revoir. Merci bien, docteur. De rien. Au revoir, madame. Merci à vous, à très bientôt. Alors on nous dit par SMS, mon fils portait des chaussures orthopédiques, le docteur dit que ce n'est plus nécessaire, mais depuis qu'il a grandi, je remarque qu'il a un petit peu le dos incurvé lorsqu'il s'assoit. Je voudrais savoir vers quel spécialiste se tourner. Moi, ouais, Gilles Stasica. Alors, bon, si déjà le médecin lui a dit que c'était plus utile, donc il avait une raison de le dire. Maintenant, le dos courbé, c'est pas forcément en rapport avec ses pieds, c'est peut-être en rapport avec son dos et en l'occurrence une scoliose. Ça serait comme bien de s'orienter vers, s'il a mal, vers un rhumatologue, vers un chirurgien orthopédique, pourquoi pas, pour voir s'il n'y a pas un geste chirurgical à faire. Maintenant, si c'est simplement des douleurs, ça peut se traiter, mais il faut qu'on connaisse l'origine de ces douleurs. Est-ce que c'est vraiment le dos qui lui fait mal? Est-ce que c'est en rapport avec ses pieds? Oui, on peut avoir une anomalie de la stature plantaire qui puisse expliquer qu'on est mal au dos. Donc, ça serait bien. Bon, son médecin traitant qui, lui, va pouvoir dispatcher vers le rhumatologue, vers le chirurgien orthopédique. Mais encore une fois, le médecin traitant est la base de votre consultation. Hein. C'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va vous orienter. Hein. Moi, quand je vais aller acheter des légumes, ben, je vais chez quelqu'un qui vend des légumes. Je ne vais pas où il y a un bureau de tabac et demander où je peux aller acheter des légumes. Donc, faut vraiment aller chez votre médecin qui va regrouper l'information et qui va pouvoir lui vous dire ça j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste. Tous les médecins travaillent ensemble, il n'y a pas de compétition. Hein. Moi quand j'ai besoin d'avis d'un spécialiste, je me fais un plaisir de l'appeler pour pouvoir dire bah, là je sais pas, c'est de ton domaine, aide-moi s'il te plaît. Donc c'est comme ça qu'on arrive à soigner un patient, c'est en s'aidant tout le monde, du médecin, du spécialiste, du pharmacien, et quand on a une cohésion avec tous ces professionnels de santé, bah, on arrive à traiter les gens. Il vous reste 5 minutes pour joindre Mathias au standard de la première, avec notamment nos spécialistes aujourd'hui, donc nos experts, c'est Gilles Stasica qui est docteur, et puis Claude Maraudon, pharmacien, et Claude Maraudon, la question de José, notamment pour un traitement à vie, un médicament à vie, si on me donne du générique, est-ce qu'il y a un risque ou pas pour un traitement à vie? Alors justement, il faut savoir que le générique a été mis en place parce que c'est le même médicament qui coûte moins cher. Donc si c'est un traitement dit à vie, alors moi j'aime pas les traitements à vie, c'est que on respire de l'oxygène à vie, c'est-à-dire que si on manque d'oxygène, on va mourir. Donc on n'est pas pour autant, angoissé parce que on va peut-être un jour manquer d'oxygène. On vit avec. Oui. Et les traitements dits à vie sont des traitements de maladies chroniques qui sont nécessaires à l'équilibre de l'organisme. Et si on les arrête, c'est grave et c'est dangereux. Alors le médicament générique, lui, fait des économies à la sécurité sociale, et donc si c'est un traitement qui est chronique, il fera encore plus d'économies, il sera encore plus efficace pour permettre justement de rembourser des pathologies coûteuses comme certains cancers ou certaines maladies, justement, on parlait tout à l'heure orphelines, qui ne peuvent pas être prises en charge aujourd'hui parce que justement on n'a pas été suffisamment loin dans l'utilisation des médicaments génériques. Donc il faut avoir confiance dans les médicaments génériques. S'il y a des effets secondaires, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça peut être lié, bien sûr, aux médicaments, qu'ils soient génériques ou pas. Mais ça peut être lié aussi à une évolution de la maladie. Donc il faut en parler à son médecin, à son pharmacien, et voir si c'est pas forcément, il faut pas tirer la boulet rouge sur le générique dès qu'on a un effet secondaire. Ce sont pas des bonbons, ce sont des médicaments avec un côté positif, et souvent on a des effets secondaires, des effets indésirables, et c'est très important justement de les déclarer. Là d'ailleurs, vous savez qu'il y a eu le scandale de Mediator il y a quelques années, en 2011, des nouvelles dispositions ont été prises, et même les patients aujourd'hui peuvent déclarer les effets secondaires, ça s'appelle la pharmacovigilance. On va sur internet et on déclare des effets secondaires ou on passe par un professionnel de santé, auquel cas c'est obligatoire chez nous de le déclarer. Donc ça peut être aussi une aide et il faut pas hésiter. Alors, il y a Marie de l'Ouest, je suis asthmatique, je suis un traitement donc depuis plus de 4 ans, est-ce que je dois me considérer guéri ou alors il faudrait continuer le traitement? Gilles Stasica. Alors l'asthme déjà, ça fait partie, quand il a été diagnostiqué, ça fait partie des maladies chroniques, on l'est ou on ne l'est pas, si on l'est, c'est à vie. Si on l'a, on donc, l'a. Voilà, non. C'est comme le diabète, si on est diabétique, ben, on le sera toute sa vie, si on est hypertendu, on le sera toute sa vie et on sera mieux grâce à l'utilisation des médicaments. C'est-à-dire que l'impression d'être, ben voilà, je ne fais plus de crise, oui mais je ne fais plus de crise parce que j'ai un traitement de fond, c'est sans doute pour ça qu'elle fait plus de crise. Donc si on arrêtait son traitement de fond, probablement elle referait des crises. Donc si le diagnostic initial d'asthme a bien été posé, et ce que je pense, oui, elle est asthmatique à vie, elle sera tout le temps. Alors maintenant, elle fera de moins en moins de crises, d'où l'intérêt des traitements de fond. Si on lui donne ce traitement, c'est justement pour éviter de faire des crises. Mais alors, elle sera tout le temps étiquetée asthmatique. Donc elle doit continuer, on elle est doit d'accord, bien son traitement, ah ne bah pas bien, l'arrêter. Hein. Non, il ne faut pas qu'elle l'arrête. L'asthme est quand même une maladie qui peut être dramatique et qui peut entraîner un décès par arrêt respiratoire. Donc une crise d'asthme sévère, c'est dramatique. Hein. Donc il ne faut pas qu'elle arrête son traitement, même si elle a l'impression que ça sert à rien puisqu'elle est bien. Oui, mais elle est bien grâce aux médicaments. C'est ce que beaucoup de gens me disent. Ils viennent prendre la tension, ils sont sous antihypertenseur, ils me disent ah ben super, j'ai 12,8. Je dis oui, mais vous avez 12,8 parce que vous avez un antihypertenseur. Et eux, ils ont l'impression que bah oui, mais ça va bien. Oui, mais ça va bien parce que vous avez le médicament. C'est pour ça que ça va bien. Donc il faut continuer à le prendre. Toute maladie chronique nécessite un traitement jusqu'à la fin. Autre question. J'ai un ORL qui me dit que j'ai un problème, notamment donc la trompe d'Eustache. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, la trompe d'Eustache, c'est l'équivalent d'un tuyau qui permet d'avoir un équilibre des pressions de part et d'autre du tympan, donc entre la pression qui se trouve à l'intérieur de la bouche et la pression qui se trouve de l'autre côté du tympan, donc dehors, la pression atmosphérique. Et cette trompe d'Eustache, quand elle est bouchée, quand elle fonctionne pas bien, quand elle ne joue pas ce rôle d'équilibrateur de pression, on peut avoir soit une sensation d'oreille pleine, une sensation d'oreille bouchée, soit des vertiges. Donc il faut aérer, du moins rétablir l'aération de cette trompe d'Eustache par des médicaments qui existent, dont on ne vous donnera pas le nom, qui vont permettre notamment de gérer la pression de part et d'autre de ce tympan par, pourquoi pas ouvrir les voies nasales, pourquoi pas s'occuper des sinus, pourquoi pas s'occuper des végétations et des amygdales. Ça se guérit? Ça se guérit, oui, bien sûr. Bon, alors il dit aussi que j'ai un problème de potassium. Est-ce que c'est lié? Alors non, du tout. Il n'y a pas de relation entre une anomalie métabolique du potassium, qui est un minéral qui se trouve dans le sang, qui est un minéral très important puisqu'il sert à la contraction des fibres musculaires, notamment des fibres musculaires cardiaques, et qui peut, soit quand il est en trop grande quantité, soit en trop petite quantité, entraîner un arrêt cardiaque. Donc c'est quelque chose qui est très important, qu'on va retrouver dans les urines, qui peut être éliminé de façon abondante dans les urines, mais il n'y a pas de concordance entre son anomalie du potassium et sa trompe d'Eustache. Alors un mot, Claude Maraudon, sur alors on entend beaucoup parler, les auditeurs aussi réagissent sur les réseaux sociaux ou par SMS, notamment tout ce que l'on dit sur la dépakine, c'est ça? Oui, ouais. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors c'est l'incontinuité de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que grâce à la pharmacovigilance, il a été découvert que l'usage de la dépakine chez la femme enceinte avait provoqué des malformations, en particulier neurologiques, et donc concordance des effets secondaires gravissimes et dramatiques, on fait prendre des dispositions. Bon, c'est vrai que le dépakine, c'est un médicament antipyléptique indispensable et que souvent on n'a pas d'autres possibilités d'avoir un médicament contre l'épilepsie. Et au début de l'année, a été mis en place un protocole donc d'acceptation du traitement par le patient. C'est-à-dire, en fait, c'est une information particulière qui est faite avec le patient. La prescription doit être faite par un pédiatre, un psychiatre ou un neurologue. Donc on a l'obligation, nous pharmaciens, de vérifier que la prescription est faite par ce type de spécialiste. Et un accord de soins est signé, disponible bien sûr sur le site de l'ANSM, pour pouvoir permettre à la patiente d'être pleinement informée du risque. Alors ça ne concerne pas les hommes, puisqu'il n'y a pas le risque de malformation tératogène, mais voilà encore un exemple de surveillance particulière. Malheureusement, ça concerne peut-être aussi tous les antipyléptiques, et donc du coup, on est devant un cas où on ne peut pas se passer d'un médicament indispensable pour l'épilepsie, mais en même temps, informer et prendre en charge les patientes, surtout qui sont enceintes aujourd'hui, pour pouvoir les informer clairement. Et puis suivez surtout si vous êtes dans le doute, écoutez votre médecin, parlez-en au médecin, il est aussi quelque part un peu le confident. Il est un peu le curé, oui, effectivement. Il est, on est bien d'accord, ne pas hésiter. Rapprochez-vous de votre médecin, et merci aussi, mais également du pharmacien. Merci Gilles Sassica. Je vous en prie, merci à vous. À très bientôt sur la première. Merci également à Claude Maraudon, pharmacien. Merci. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Rue Grand Chemin, quartier Saint-Denis, de Mouni Foule dans Grand Bazar, bouillon la son ou la gogo. Bandalon, il saute danser. Loulou Pitou, Maxime Lahop, Gilles Alanda et Kumadoré. L'orchestre en cuivre, les pas trop loin. Il donne le grain dans le salon bal. Paquet, paquet, paquet, Maloya. Sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné Chihuahua. Salut, patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya. Sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné Chihuahua. Salut, patrimoine aussi. Image d'un fait côté bois rouge, dragon chinois y impressionne. Dans la prière, dans la mosquée, Jaco Malba fait en marmaille. Gramoun l'élève, vieux en main virie. toutes les entrances dans un cabar. Mama est caté devant l'église, il joue canette quand à la porte. Paquet, paquet, paquet, maloya, sexe, ga aussi. Dans quel rayonné tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, maloya, sexe, ga aussi. Dans quel rayonné tu vois, ça nous patrimoine aussi. Dans nos racines, Maloya Sega, les mélanger comme nous couleur et nous coutume. La panne, les petits forblottes, les dés ensemble, mi donne paquet. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sexe, ga aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sexe, ga aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Et dans un peu plus de 5 minutes, nous irons retrouver Jean-Claude Machir dans l'Ouest, à Saint-Gilles. Il est sur l'opération Running Tech, donc ce salon des hautes technologies. On en parle dans moins de 5 minutes sur la première. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining Cipriani's like Beyonce. To getting by or to getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. Better or for worse, I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so is unobtainable, even though God knows you can't find. rhyme. If you ask me, I might have had a couple women at the same time. She hand do the pressure, Jack Dean used for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. Fresh. My mama said that we need love. Till I found out life's a no prenup. You're on your own. Divorce is a court split. Decisions and choices. The poor shore, the fortress. Ignore it or forfeit. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Dans une demi-heure maintenant sur la première à 12h15, égalité réelle, réaliste ou utopique, c'est ce vendredi 9 septembre, donc demain, que prend fin la consultation citoyenne sur Internet autour de cette notion. Un débat qui ne semble pas passionner les Réunionnais. On en parlera avec les invités de Philippe Dornier à 12h15, Wilfried Bertil du Parti Socialiste et puis Jean-Jacques Morel des Républicains. Les réactions au 02 62 99 2000. Yeah. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Première. Direction l'Ouest sur Réunion Première. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Jean-Claude Machir, c'est à vous. Oui, là, Claude, eh bien, je suis avec Guillaume Desjardins, qui est le directeur de Zéop Entreprises, nouvelle technologie pour vous aussi si vous avez une entreprise ou si vous êtes dans le secteur public. Alors, bonjour Guillaume Desjardins, qu'est-ce que cette nouvelle technologie va apporter aux entreprises et qu'est-ce que ça représente un salon comme celui-là pour vous? Bonjour. D'ailleurs, déjà en partant, on est le sponsor principal du salon et on est super fiers de participer avec la Store pour l'organisation de ce salon-là 2016. Moi, je m'occupe du côté entreprise chez Zéop. Ce qu'on apporte aujourd'hui, ce qu'on montre, malheureusement, on peut pas voir. On a une grosse télévision 4K et on fait connaître aux gens c'est quoi les containers, les CDN. On a acheté des CDN de Google, de YouTube, par exemple, et avec ces outils, on est capable de regarder des contenus en local sur la Réunion. Ça veut dire qu'une personne qui veut regarder une vidéo 4K à partir de son ordinateur, il n'aura pas besoin de passer par le câble sous-marin. La vidéo est en local sur les serveurs à la Réunion. On a des containers privés qui s'appellent Google, par exemple, et il y a aussi des CDN publics, Akamai, Level 3, Limelight. Ceux-là, ils vont plutôt présenter des fichiers et des données comme pour Microsoft, comme eBay, comme Twitter, comme Facebook, comme Apple. Donc, quelqu'un qui veut faire une mise à jour de son iPhone ne passera pas encore une fois par le câble sous-marin. Ça va être directement sur nos serveurs en local et ça va aller très vite. Et quand on est chez Zéop, on a la fibre optique, on a du 200 Mbps à la maison, ben vous comprenez que c'est très intéressant d'avoir tous ces produits-là en local parce que passer par les câbles sous-marins, comme cette semaine, il y a des maintenances sur les câbles sous-marins pour tous les opérateurs et c'est très difficile pour les opérateurs d'avoir du bon débit à 19h le soir. Actuellement, nous, on a nos CDN en local sur la Réunion et ça dépote beaucoup, beaucoup pour le YouTube ces temps-ci. Voilà, vous l'aurez compris, de la technologie est au rendez-vous et si vous en avez jusqu'à ce soir 18h pour en profiter, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre si vous êtes une entreprise, si vous êtes amateur de technologies nouvelles. C'est ici que ça se passe, c'est dans la région ouest, comme vous le disait Claude tout à l'heure, et c'est un rendez-vous incontournable, ce salon Run In Tech. Alors Jean-Claude, il a oui. Un bel accent votre invité là. Oui, alors c'est québécois, parce que je sais que c'est bien québécois. Hein? Québécois, ouais. Ça fait 13 ans que je suis à La Réunion. Ouais. 13 ans à La Réunion, mais vous voyez, l'accent ne se perd pas. Et... je suis une réunionnaise, donc je vis à La Réunion. Voilà, le cœur est à La Réunion, voilà, ça s'explique encore. Merci. Très bien, merci Jean-Claude. Merci, on salue tous les Québécois qui sont sur le département de La Réunion. Il est 11h48 sur la première. Pourquoi continuer? Regarde son larme versée. Quand toute bonne faute, Ligue est pardonnée. La bave à l'air, il manque un fond métissé. Il a la force, même dans son fragilité. Il faut aller. toute bonne souffrance que l'il a fini passer. Non, pourtant, il a rien demandé. Mais son cœur l'a fini trop chaviré. Un petit clin d'œil dans le ciel pour espérer que demain tout ça là sera finalé. Il est 11h52 sur la première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Bertil, Francis Marcel. Bertil Francis Marcel, décès survenu à l'âge de 83 ans. La veillée a lieu à son domicile, au 1 rue des Lataniers à l'Étincelle et les Hauts. Le convoi sortira du domicile demain à 15h, vendredi 9 septembre. La bénédiction se fera en l'église Sainte-Dominique à l'Étincelle à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Étincelle. Décès de Monsieur Roger Benoît. Monsieur Roger Benoît, décès survenu à l'âge de 94 ans. La bénédiction aura lieu aujourd'hui au centre funéraire de Prima à 14h, suivi de l'inhumation, donc de la crémation pardon, à 14h30 au centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Akama Virama Henry. Monsieur Akama Virama Henry, décès survenu à l'âge de 81 ans. Le recueillement se tient à son domicile au 86 rue Flacourt à l'Étang Saint-Paul. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h30 en l'église de l'Étang Saint-Paul, suivi de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Percé, Marie-Alfreda, née Véfour. Madame Percé, Marie-Alfreda, née Véfour. Décès survenu à l'âge de 53 ans. La veillée se fait en la chapelle ardente de Stella à Saint-Leu. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Veuve Aimée Rérantienne née Noël. Madame Veuve Aimée Rérantienne née Noël. Décès survenu à l'âge de 92 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 87, rue Raphaël Barquisseau à Fleury-Mont-Saint-Paul, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction se fera en l'église de Saint-Gilles-Léo à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Monsieur Borchet Jean-Noël. Monsieur Borchet Jean-Noël, domicilié en métropole, décès survenu à l'âge de 46 ans. La veillée se fait chez ses parents, au 23, chemin Borchet au Guillaume-Saint-Paul à partir du samedi 10 septembre. Donc, à partir de 16h, la bénédiction aura lieu dimanche 11 à 14h en l'église du Guillaume-Saint-Paul, suivie de l'inhumation au cimetière de Guillaume-Saint-Paul. Décès de Monsieur Janté René. Monsieur Janté René, décès survenu à l'âge de 88 ans à la plaine des Palmistes. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima aujourd'hui à 15h30, suivi de la crémation centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Payette Philippe. Payette Philippe, décès survenu à l'âge de 50 ans, le convoi sortira de son domicile au 6 rue Pierre Payette à la rivière Saint-Louis. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église de Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de la rivière. Décès de Madame Cisaï, Marie-Eva Némaillot. Madame Cisaï, Marie-Eva Némaillot, dite Madame Guy. Décès survenu à l'âge de 83 ans, le convoi sortira de son domicile au 186 chemin Marat-Martin à Salazie. Aujourd'hui à 14h15, la bénédiction se fera en l'église de Grand-Ilette à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Grand-Ilette. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunie Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Collecte de sang de l'EFS, l'établissement français du sang pour demain, vendredi 9 septembre. Alors ce sera au centre commercial Jumbo à Sainte-Marie, c'est de 9h à 13h. Et puis à la mairie annexe de Jean Petit à Saint-Joseph, de 8h à midi. Dans 4 minutes sur Réunion Première, le journal présenté par Antoine Garnier. quel souvenir. Dieu que c'est beau, c'est signé Daniel Balavoine sur la première. Bon appétit à tous, il est midi. Le journal, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Découverte macabre ce matin dans le quartier de Bérive au Tampon. Une femme de 55 ans a été retrouvée morte à son domicile. Elle a été asphyxiée par la fumée provoquée par un feu qu'elle aurait allumé pour réchauffer sa maison. Les précisions de Pierre Komorasami en direct dans un instant. À quelques heures du scrutin qui doit désigner le nouveau président de l'Université de la Réunion, deux des trois prétendants ont annoncé ce matin leur alliance. Frédéric Miranville et Gilles Lajoie fusionnent leur candidature et se partageront la gouvernance s'ils sont élus. Nous les entendrons. Mobilisation en demi-teinte contre la réforme des collèges. Ce matin, quelques dizaines d'enseignants manifestaient devant le rectorat à Saint-Denis. Ils répondaient à l'appel d'une intersyndicale pour protester contre cette réforme entrée en application le mois dernier à La Réunion. Et puis, vous l'avez peut-être ressenti si vous habitez du côté de Salazie ou de Mafate. Un petit séisme a été enregistré à 4h26 précise ce jeudi sur notre île. Un phénomène de faible intensité qui n'a rien d'anormal, nous expliquera la directrice de l'Observatoire du Volcan. Bienvenue sur Réunion Première. Les premiers éléments recueillis sur les lieux du drame mettent sur la piste d'un accident. Ce matin, le corps d'une femme de 55 ans a été retrouvé à son domicile dans le quartier de Bérive, sur la commune du Tampon. La quinquagénaire est morte asphyxiée par des fumées générées par un feu que la victime avait allumé pour réchauffer sa maison. Les précisions sur ce drame avec vous, Pierre Komorasami. Alerté par une fumée qui s'échappe de la petite case située au 84 chemin Paillanqueux à Bérive, c'est un voisin qui prévient les pompiers ce matin vers 8h30. À leur arrivée, les soldats du feu défoncent la porte d'entrée et pénètrent à l'intérieur. Ils tombent alors sur un meuble qui achève de se consumer et une maison entièrement envahie par la fumée. Après une inspection plus poussée, les secours découvrent le corps sans vie d'une femme gisant dans la salle de bain. Sans doute pour lutter contre le froid, vous l'avez dit Antoine, cette femme de 55 ans qui vit